بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. فالحمد لله الذي من علينا بهذه الجلسة مع إخوان لنا يجمعنا وإياهم كتاب ربنا وسنة نبينا وفق منهجي وفهم سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. كل لونجي تا الله سبحانه وتعالى qui nous a comblé de cette assise avec nos frères avec lequel on est réuni autour du livre et de la sunna de notre prophète alayhi salam selon la voie et la compréhension de nos prédécesseurs رضوان الله عليهم. واجتماعنا للتذكير بأمور تخصنا في ديننا ودنيانا عملا بقوله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال السعدي رحمه الله تعالى فالذكرى تنقسم إلى قسمين: تذكير بشيء لا يعلم حتى يعلم، وتذكير بشيء يعلم لأن المؤمن ينسى ويغفل، فإذا ذكر اتعظ وعمل بما ذكر به. وهذه هي التي قصدنا بهذه المجالس. إذنك nous sommes réunis pour se rappeler mutuellement ce qui va nous être bénéfique dans notre mondain et dans notre religion, conformément au verset qui dit dans la traduction approximative « Et rappelle, car le rappel est bénéfique aux croyants. » Saadi Rahimahullah dit dans son exégète, en résumé de ses paroles, il y a deux sortes de rappels. Un rappel qui se fait pour les choses qui ne sont pas connues pour qu'ils soient connues, et un rappel pour les choses qui sont connues parce que le croyant, il oublie, il lui arrive d'être insouciant, et quand le rappel lui est fait, l'exhortation lui est faite, il se rappelle et il met en application et il profite du rappel. فهذا الصراط المستقيم هذا المنهج الذي نتذاكر عنه ونذكر به هو المنهج الذي أوجب الله علينا طلبه في كل صلاة في كل ركعة من صلاتنا نفلها وفرضها. Et les rappels de cette voie et les rappels que nous faisons concernant la voie droite, cette voie c'est la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait obligatoire de lui demander chaque jour de nous guider et de nous raffermir sur cette voie dans chacune de nos prières. Et si la personne ne prie pas, ne fait pas ce dua, guide-nous sur la voie droite, sa prière n'a pas eu lieu. فَإِذَا لَمْ يَقْرَى الْإِنسَانِ فِي صَلَاتِهِ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ. وَهَذَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ صراط المنعم عليهم له تفاسير عند أهل العلم، فهو الإسلام وهو القرآن وهو محمد صلى الله عليه وسلم وهو الصحب الكرام رضوان الله عليهم، وكل هذه الأمور لها أدلتها في الكتاب والسنة. cette voie de ce que Allah سبحانه وتعالى comble de ses bienfaits il a beaucoup de signification. Les hommes de science lui ont donné comme signification l'islam, le Coran, Muhammad alayhi salatu salam, les compagnons radwanullah alayhim. Toutes ces définitions ont leur preuve dans la parole d'Allah et dans l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu salam. عندما قالوا انه الاسلام يقول عز وجل وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. Ils disent que c'est l'islam, ils veulent par là. Il y a la preuve qui est dans le verset « Ça, c'est ma voie droite » dans la traduction approximative du sens du verset « Ça, c'est ma voie droite, suivez-la et ne suivez pas les autres chemins qui vont vous égarer du chemin d'Allah. » quand ils disent que c'est Muhammad alayhi salatu wassalam, Allah Azza wa Jalla yaqul, wa innaka ala siratin mustaqim. Man, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ils disent que c'est Muhammad alayhi salatu wassalam, il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, certes, tu es sur la voie droite. Et quand ils disent que c'est le Coran, إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمْ. Et quand ils disent que c'est le Coran, ce Coran guide vers la voie la plus droite. Comme il est dit dans le verset. Hein? Et quand ils disent c'est les compagnons, radouallah alayhim, les versets sont nombreux là-dessus. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Quand ils disent que c'est les nobles compagnons, ben les versets sont nombreux. Les premiers parmi ceux qui ont quitté la Mecque pour Médine, qui sont le Muhajiroun, l'Ansar, leurs alliés qui les ont accueillis à Médine, ceux-là ont réuni toutes les conditions pour que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Et donc, il reste une troisième catégorie, et ceux qui les suivent à la perfection. Donc, Sirat al-Mustaqim, si tu prends la voie de ces compagnons, le Muhajiroun ou l'Ansar, tu es sur Sirat al-Mustaqim. Et هذا رجل أتى كما ذكر الطبري رحمه الله تعالى إلى أبو العالية الرياحي فسأله فقال يا أبا العالية ما الصراط المستقيم قال الصراط المستقيم أبو بكر وعمر أبو بكر وعمر فتعجب الرجل فذهب إلى الحسن البصري فقال له يا أبا سعيد إن أبا العالية يقول أن الصراط المستقيم أبو بكر وعمر فقال البصري رحمه الله صدق ونصح صدق ونصح أي إذا اتبعت طريق أبي بكر وعمر فأنت على الصراط المستقيم et un homme un jour vint voir Abu al-Ali al-Riyahi comme il est rapporté par Tabari رحمه الله تعالى il lui a dit c'est quoi الصراط المستقيم c'est quoi la voie droite il lui a dit la voie droite c'est Abu Bakr et Omar l'homme était étonné Il est allé voir l'Hassan al-Basri, il lui a dit, « Abba Saïd, Abu al-Aliya, il dit que la voie droite, c'est Abu Bakr et Omar. » Et l'Hassan al-Basri lui a dit, « Il a dit vrai et il a conseillé. » C'est-à-dire, il t'a dit la vérité et il t'a conseillé. Car si tu prends la voie d'Abu Bakr et d'Omar, tu es sur la voie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits. Et donc, nous assistons depuis hier et aujourd'hui, concerne le rappel de cette voix. Le rappel de cette voix que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et revenons à ce que nous avons commencé hier en parlant de cette voix. Nous avons cité deux fondements dans cette voix. Deux principaux fondements dans cette voix. Hein? À savoir l'accomplissement de la religion sincèrement pour Allah et que Allah subhanahu wa ta'ala doit être adoré avec ce qu'il a légiféré. Et ça, c'est ainsi, en agissant ainsi, on accomplit notre attestation de foi, n'est digne d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est le messager, alayhi salatu wassalam. Le deuxième fondement dont on a parlé, le fait de rester dans l'unité gouvernée par un gouverneur, et de lui obéir, dans l'obéissance à Allah. Car, comme a dit Omar ibn Khattab, comme ça a été cité hier, il n'y a pas d'islam sans unité, Il n'y a pas d'unité sans gouverneur, il n'y a pas de gouverneur sans obéissance. Hadith il est chez Darimi rahimahullah. Passons maintenant au troisième fondement parmi les fondements principaux des gens de la Salafia ou des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna. Fa min usuli manhaji al-sunnati wal-jama'a at-tahdhiru min al-bid'i wal-mubtadi'in. Lian ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam haddhara منها كما في قوله عز وجل وإياكم ومحدثات كما في قوله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وهذا في حديث العرباد بن سارية رضي الله عنه وارضاه الذي يحفظه جلكم والحمد لله وجاءت أحاديث كثيرة تحث على الاتباع وتنهى عن الابتداع في دين الله عز وجل كما جاء كذلك في الفقرة الأخيرة من خطبة الحاجة et donc fait partie des fondements principaux de la voie des salafs ou la voie du genre de l'unité et de la sunna, c'est l'avertissement contre l'innovation et contre les innovateurs. Pourquoi? Parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a averti contre l'innovation et contre les innovateurs. Et dans la fin du hadith de l'Irbad ibn Sariya, il est bien stipulé clairement: faites attention à toute nouveauté dans la religion, et attention à toute nouveauté dans la religion, car toute nouveauté dans la religion est une innovation, et toute innovation est un égarement. Et ce hadith de l'Irbad ibn Sariya, je crois que la majorité, ou sinon tous, vous le mémorisez. Et la louange est à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il a été rapporté aussi dans beaucoup de hadiths, le fait d'inciter, l'incitation au suivi et l'avertissement contre eux, l'innovation dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a qu'à voir la fin, le dernier paragraphe dans Khutbat al-Haja, l'introduction du besoin. Cette khutba dans laquelle il y a beaucoup de leçons, et à la fin, il y a la voie sur laquelle nous devons être, et dans laquelle il y a un avertissement clair contre toute innovation, et dans laquelle il est bien stipulé que la meilleure des voies étant la voie de Mohammed alayhi salatu salam, et les pires des choses, ce sont les innovations dans la religion. Et que la meilleure des paroles étant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَنَا نَتَأَمَّلَ هَذَا الْأَطَرَ الَّذِي مَضَى مَعَنَا فِي مُقَدِّمَتِي هَذِي الْجَلَسَاتِ وذكره صاحب الحلية رحمه الله تعالى عن مطرف بن عبد الله قال سمعت مالكا يقول سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال بطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن تركها اتبع سبيل غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. Et donc nous devons méditer cette parole de l'imam Malik rahimahullah, qui a été citée par Abu Nu'aym dans le Hilya. Nous l'avons cité auparavant au début de ses assises. Abu Nu'aym le rapporte de Mutarrif ibn Abdillah, qui a dit: j'ai entendu Malik rahimahullah dire, le messager était sur une voie ainsi que les gouverneurs après lui. Le fait de prendre cette voie, c'est suivre le livre d'Allah et compléter son obéissance. Et c'est une force dans la religion d'Allah. Personne n'a le droit de changer cette voie ou de la modifier ou d'aller voir les voies qui sont en contradiction avec celle-ci. Celui qui la prend sera guidé. Celui qui cherche le triomphe par cette voie triomphera. Et celui qui la délaisse sera dans une autre voie que la voie des croyants. Allah lui fera l'alliance avec ceux avec qui il a cherché alliance, et sa demeure sera Jahannam, et quelle mauvaise demeure. Fin de citation. وذكر أبو نعيم في الحلية كذلك قال قال أبو داود حدثنا أبو ثور قال سمعت الشافعي يقول كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال أما أنا إني أما إني على بينة من ديني وأما أنت فشاك اذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. إي أبو نعيم a cité dans le Hilya que Abu Daoud a dit que Thawr leur a dit qu'il a entendu Shafi'i rahimahullah dire quand certains parmi les gens des passions et de l'innovation viennent voir Malik pour polémiquer avec lui, il leur dit, Malik leur dit rahmatullah alayh, je suis dans une clairvoyance dans ma religion, mais toi tu doutes de ta religion, va voir quelqu'un qui doute comme toi et polémique avec. Et ceci, comme on a vu auparavant, dans notre assise, nous ne devons pas exposer notre religion au danger et à la polémique avec n'importe qui. et avec ceux qui sont en divergence avec la voie de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Ce qu'il faut faire, c'est s'en éloigner, c'est la séparation. Il doit y avoir une séparation, une distinction entre ceux qui sont sur la vérité et ceux qui ne le sont pas. Il doit y avoir une distinction claire. Prenons le cas de ce qui se passe actuellement dans cette fitna de la Safaqa. Il est clair qu'il faut s'éloigner des Musafiqs. Il est clair qu'il faut s'éloigner de leurs écoles, de leurs centres, et ainsi de suite. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, notre responsabilité est énorme vis-à-vis de nos enfants, à ne pas les donner à n'importe qui. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il va émisser dans son esprit. Qu'est-ce qu'il va lui inculquer comme enseignement. Et c'est nous qui devons rendre responsabilité devant Allah. Fa ذكر ابن حزم رحمه الله في الإحكام في وصول الأحكام كما ذكره الشاطبي في الاعتصام عن أبي المجاشون وهم من علماء المالكية أن الإمام مالك قال من أحدث في هذه الأمة اليوم شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله خان الرسالة والله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ابن حزم رحمه الله عليه dans son livre الإحكام في وصول الإحكام a cité ainsi que Shatibi dans son livre الإعتصام. Ils ont cité d'Ibn al-Majashun qui est un homme de science malikite رحمه الله تعالى. Ils ont cité la parole que d'Ibn al-Majashun. Il dit que l'imam Malik a dit, celui qui innove quelque chose dans cette communauté, c'est-à-dire dans la religion de cette communauté musulmane, qui innove quelque chose qui n'existait pas dans la religion de cette communauté et qui n'existait pas dans la voie sur laquelle étaient les pieux prédicateurs de cette communauté, il a prétendu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message. Ah, regarde le terme qu'il a utilisé, parce que la situation est dangereuse. Celui-là qui innove dans la religion d'Allah a prétendu que Muhammad alayhi salatu wa salam a trahi le message, l'ayadan billah. Il ramène le verset comme argumentation, le verset où il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion et je vous ai comblé de mon bienfait et je vous ai agréé l'islam comme religion. Et l'imam Malik, après cette argumentation, il dit, ce qui n'a pas été une religion hier, il ne le sera pas aujourd'hui. C'est-à-dire, ce qui n'a pas été une religion à l'époque des compagnons et de leurs successeurs, il ne sera pas une religion. La même chose pour nous. Ce qui n'a pas été une religion à leur époque, il ne sera pas une religion pour nous. C'est-à-dire, une religion agréée par Allah Azza wa Jal. مما تقدم نعلم أن اتباع منهج أهل السنة والجماعة أو اتباع المنهج السلفي هو الدين الواجب اتباعه بأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه لماذا؟ لأنه الدين المبني على الكتاب والسنة وفق فهمي ومنهج صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين وهو الذي يوصل إلى رضوان الله عز وجل لا يمكن لإنسان أن يصل إلى رضوان الله عز وجل إلا عن طريق الصحب الكرام الكتاب والسنة عن طريق صحب رسول الله رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين قال عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وهذا هو الذي كان عليه سائر أئمة الإسلام وهو الذي كان عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى et partant de ce qui a été cité auparavant il est clair que le suivi de la voie salafi ou de la voie des gens de l'unicité et de ceux de l'unité de ceux qui sont unis sur la sunna C'est une obligation de suivre cette voie-là. Il est obligatoire. L'obligation est dans la parole d'Allah. L'obligation est dans la parole du messager alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce que c'est la religion qui est basée et établie sur le livre et la sunna, selon la voie et la compréhension des nobles compagnons d'Allah alayhim. Et personne n'a mis en pratique la religion et n'a compris mieux la religion que ses nobles compagnons qui l'ont compris directement du prophète alayhi salatu wassalam et qui l'ont vu pratiquer cette religion. Et donc, il est obligatoire de prendre cette religion sur laquelle ils étaient parce qu'il est basé sur ce qui est solide. C'est ce qui permet d'être dans la stabilité, le livre, la sunna, avec la compréhension de ses nobles compagnons et de ceux qui les suivent à la perfection, parce que c'est la seule voie qui mène vers l'agrément d'Allah. C'est la seule voie et le seul moyen pour arriver à l'agrément d'Allah, Azza wa Jal. Comme il est dit dans le verset cité ici dans la traduction approximative, du sens du verset, et les premiers parmi les muhajiroun. J'ai pas utilisé émigré, j'utilise le terme le muhajiroun parce qu'il a plus de sens. Parce que l'émigration de nos jours a, dans la définition des gens, c'est le fait de sortir d'un bled musulman pour aller en Europe pour l'économie. Là, pour le ventre, pour remplir sa poche, etc. Mais la hijra, dans la législation, c'est le fait de quitter les pays de mécréance vers les pays de l'islam pour sauver sa religion. Et c'est aussi rentre dedans le fait de quitter un pays dans lequel la bid'a et l'innovation a pignon sur rue pour aller vers un pays où il y a moins d'innovation. Et c'est aussi le fait de quitter une ville ou un village ou un pays dans lequel il y a la débauche pour aller dans un endroit dans lequel il y a moins de débauche. Hada, c'est le sens dans la législation de la hijra. Amma la hijra qu'en font certains en traversant la Méditerranée vers l'Europe, ça c'est comme il a dit Cheikh Abdel Mohsin Labbad, la hijra des oiseaux. Et les oiseaux, quand est-ce qu'ils font la hijra? Quand ils n'ont plus rien à bouffer dans une région, ils partent vers une autre région où le climat est propice pour leur vie et pour leur nourriture. Hein? Donc, et les premiers qui ont quitté la Mecque pour sauver leur religion et pour faire triompher la religion d'Allah et son messager, et l'Ansar qui les ont accueillis à Médine pour faire triompher la religion d'Allah et pour faire triompher le messager d'Allah, hein, ceux-là ont réuni toutes les conditions pour que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Et on ne fait pas partie d'eux. Donc comment sortir de l'impasse? Il ne reste la troisième voie. Et ceux qui les suivent à la perfection. Qu'est-ce qui arrive dans le suivi à la perfection? Allah subhanahu wa ta'ala les agrée et eux ils agréent ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve. Donc je veux arriver à l'agrément d'Allah, il faut que j'apprenne ce que c'est que la voie du noble compagnon. C'est quoi les œuvres? Comment ils accomplissaient les œuvres? Comment ils étaient dans leurs croyances, dans leur comportement pour les suivre et mettre en application? Parce que la recherche des données scientifiques n'est pas un but en soi. Ce n'est qu'un moyen. Le but, c'est la mise en application. On apprend ce qui est authentique et on prend sa compréhension de nos pieux prédécesseurs d'Allah et de nos hommes de science. Et on les met en application quand il se doit, et c'est le but qui est demandé. Et cette voie sur laquelle étaient les nobles compagnons, c'est la voie sur laquelle étaient les grands imams de cette communauté. Et la voie vers laquelle orientaient les grands imams de cette communauté, hein, passant par Shafi'i, rahimahullah, l'imam Malik, l'imam Ahmad, l'Auza'i, al-Tawri, et d'autres, tous ils appelaient, tous les dignes de cette communauté, appelaient, et parmi les contemporains aussi, l'Albani, rahmatullah alayhi, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Taqi al-Din Hilali, et ainsi de suite. Tous ils appelaient, ils orientaient vers cette voie, parce qu'ils savent que ça, c'est le noble conseil à prodiguer à la communauté. Et ils agissent ainsi parce que ils veulent que la communauté soit sauvée. Ils veulent que la communauté soit élevée parce que cette communauté ne sera élevée et ne sera dans le bien et dans les honneurs qu'en suivant ses pieux prédécesseurs, radhiyallahu alayhim. قال أهل العلم أن من تمسك بهذا المنهج السلفي أو منهج السنة والجماعة حصل من الفضائل شيء الكثير. Les hommes de science disent que celui qui se cramponne à cette voie, qui est la voie salafie ou la voie des gens de l'unité et de la sunna, aura beaucoup de mérites. Parmi ces mérites, awalan min tilkum al-fada'il, an hada as-sabil sabil an-najat min al-ikhtilaf. Sabil an-najat min al-ikhtilaf al-madmum. Hein? Cette voie te permet d'être protégé de la divergence qui est blâmable. Hein? Toute divergence blâmable dans la religion, cette voie t'en protège. L'amr tani, le fadl tani, annahu sabil al-fikak min al-iftiraq. Le deuxième point, le deuxième mérite, c'est que c'est le seul chemin pour sortir de la division et pour se détacher de la division et pour être dans l'unité et dans l'union. L'amr talit, annahu sabil al-hidayati min al-dalal. Hein? C'est la voie pour sortir de l'égarement et pour être dans la bonne guidée. L'amr rabi', anna nisbata ila hada al-manhaj fiha sharaf al-intisab ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa sahbihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din. Le quatrième mérite, c'est que le fait d'être affilié à cette voie, il y a l'honneur de l'affiliation au messager alayhi salatu salam et à ses nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. L'amr al-khamis, أَنَّ بِاتِّبَاعِ هَذَا الْمَنْهَجْ تَنْفَكُّ عَنْ سُبُولِ الشَّيْطَانِ. Le cinquième mérite, c'est que le fait de suivre cette voie, tu te détaches et tu t'éloignes des voies du shaytan. L'amr al-sadis, أَنَّ الْمُسْلِمُونَ إِذَا اتَّبَعُوهُ رَفَعُوا عَنْ أَنْفُسِهِمْ سِمَةَ الذُّلِّ وَالْهَوَانِ. Et le sixième point, si les musulmans se cramponnent à cette voie et la suivent, ils vont sortir du déshonneur, de la faiblesse et de la bassesse. L'amr sabi', anna hada al-manhaj tashkhisun lid-da'i wad-dawa'. La septième mérite, c'est que cette voie, c'est le diagnostic de la maladie et du remède. Tout le monde, ce que c'est que la maladie, il te donne son remède. Hein? الأمر الفضيلة الثامنة أن بسلوك هذا المنهج يكون إحياء السنة. Le fait de prendre ce chemin et cette voie, il y a dedans le fait de faire vivre la سنة. كذلك الأمر التاسع أن به يسلك المسلم الصراط المستقيم الذي يطلبه في كل ركعة من صلواته. Et le neuvième mérite, c'est qu'en prenant cette voie, le musulman prend le chemin, prend la voie droite qu'il demande dans chacune de ses prières. Et rajoute à ça que les ennemis d'Allah, أعداء الله يخافون من هذا المنهج أينما كانوا ومهما كانت قوتهم. دليل ذلك قصة أحد الدعاة الفلسطينيين رحمه الله ذكرت للشيخ الألباني رحمة الله عليه قبل 50 سنة. كان أحد الدعاة الفلسطينيين رحمه الله في خان يونس وكان يدعو إلى المنهج السلفي، لكن ما كان يستطيع أن ينطق بهذه اللفظة المنهج السلفي، لكن كان هو يقول طريق أبي بكر وعمر طريق الصحابة هكذا، حتى لا يقع في قبضة المستعمر اليهودي. فمرة هؤلاء بالمرصاد أعداء الله ليسوا مغفلين، هم بالمرصاد. فمرة استدعي من طرف حاكم خان يونس، وفي المكان الذي استدعي فيه كان فيه عدد من ضباط الجيش والشرطة وكذا، فجعلوا يستنطقونه إلى ماذا تدعو؟ يقول إلى منهج أهل السنة والجماعة إلى منهج أبي بكر وعمر ويراوغ حتى يسلك من قبضتهم أي ينفلت من قبضتهم. فقام أشقاه فقال اسمع أنت الدروك باش تعرف بأن يفهمون جيدا، خذ لك منهج حزب التحرير، خذ لك منهج تبليغ، خذ لك منهج الإخوان وادعو به، لكن أن تدعو إلى طريق أبي بكر وعمر لن نتركك. قال الألباني رحمة الله عليه هذا فهمه الكفار، فهم الكفار ما لم يفهمه كثير من المسلمين. ها هل، وقال رحمه الله في أسئلة، هل حزب التحرير يدعو إلى منهج أبي بكر وعمر وكذلك حزب التبليغ وكذلك أبدا لا. Et prends cette histoire pour que tu saches que les ennemis d'Allah connaissent la voie par laquelle arrivera la suprématie à la communauté, hein, qui est la voie salafie, pour que tu comprennes pourquoi ces attaques en Europe maintenant contre la voie salafie, hein, et la stigmatisation de cette voie, hein. Il y a plus de 50 ans, cette histoire a été contée à Cheikh Nasr Dil Albani, d'un jeune prêcheur dans les territoires occupés, à Khan Younous exactement. Et ce jeune, il appelait vers la voie des gens de la Sunna et vers la voie salafi. Mais il ne pouvait pas prononcer ce terme salafi, parce que s'il le prononçait, il se trouvait en prison, dans les prisons à juifs. Et donc, il appelle les gens en utilisant les termes Abou Bakr, Omar, les compagnons, etc. Mais l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala est toujours aux aguets. Et un jour, ils l'ont convoqué. Le gouverneur de cette Khan Younous l'a convoqué, et dans la pièce où ils l'ont reçu, il y avait les grands de l'armée, certains grands de l'armée, il y avait aussi certains grands de la sûreté, et ainsi de suite, flics et tout. Ils ont commencé à lui poser des questions sur sa da'wa. Et il a essayé d'esquiver plus ou moins Al-Sunna Al-Jama'a, les compagnons, kada. Ça a duré un moment, et à un moment donné, le pire parmi ceux-là se lève et lui dit « Regarde, tu as la voix du parti Tahrir, celui qui est en Égypte, en Syrie. Et il est un petit peu propagé, un petit peu dans pas mal de pays maintenant. Tu as la voix d'Yel Tablir, tu as la voix d'Yel Ikhwan. Prends n'importe quelle dawa de ces trois voix-là, fais dawa avec, t'as pas de problème. Mais que tu appelles vers la voix d'Abou Bakr et d'Omar, ne te laissera pas. » Hein? Cheikh Al-Albani, quand il a entendu ça, il dit, les ennemis d'Allah ont su, hein, la vraie voie qu'il faut suivre, hein, que beaucoup de musulmans ne savent pas. Et il a posé certaines questions dans l'assise. Est-ce que, hein, la voie d'Abou Bakr et d'Omar se trouve dans la voie d'Yel Tabligh et ainsi de suite? Bien sûr, la réponse c'est non. Hein? D'où l'importance de savoir que cette voie-là, c'est la voie de la suprématie. C'est celle qui a donné les honneurs à, au début de cette communauté, comme il a dit l'imam Malik, ne fera le bien et la réforme de la fin de cette communauté que ce qui a fait le bien et la réforme du début de cette communauté. فَهَذِي فَضَائِلْ ذَكَرَهَا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَكُلُّ فَضِيلَةٍ مِنْهَا تقضي بوجوب الأخذ بهذا المنهج السلفي من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Et donc ça, ce sont certains mérites cités ici. Et l'une de ces mérites, l'un de ces mérites implique qu'il est obligatoire, l'obligation de prendre cette voie. Hein? Parce que, en mettant en application, hein, cette règle qui est chez les hommes de science, la voie ou le moyen par laquelle on arrive à une obligation devient lui-même une obligation. ومما يجب أن يتنبه له أنه ليس كل من ادعى أنه من أهل السنة والجماعة كان منهم أبدا حتى ينظر في طريقته واتباعه ويعرض أمره وحاله وقوله على كتاب الله وسنة رسول الله وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. فإن وافقه فهو منهم، وإن خالفه فليس منهم، ويبعد الإنسان ويقرب من الصراط المستقيم بحسب كثرة موافقته وكثرة مخالفته، بهذا يكون بعده وقربه. Et une chose très importante, c'est que à laquelle il faut faire très attention. Ce n'est pas toute personne qui prétend être salafi ou faisant partie des gens de l'unité de la sunna. Hein? Ça y est, il fait partie d'eux. Là, il faut observer sa voie. Il faut observer son suivi. Il faut exposer sa situation, ses dires, ses actes. Au livre d'Allah, il y a la sunna du messager alayhi salatu wassalam, selon la voie et la compréhension des compagnons et de ceux qui les suivent à la perfection. Si ça concorde avec, khlas, il fait partie d'eux. Si ça ne concorde pas, ben il fait pas partie d'eux. Et la personne sera plus ou moins proche ou plus ou moins loin de la voie droite selon sa concordance, selon l'importance de sa concordance avec la voie des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, ou selon il sera en divergence selon hein, sa divergence avec et son éloignement de cette voie. ومن سمات أهل السنة والجماعة التي يعرف بها المنتسب إليهم حقيقة من المدعي أن الولاء والبراء عندهم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا محل لهم، فلا محل عندهم للحزبية التي تجعل شخصا أو مبدأ أو كتابا غير القرآن الكريم والسنة النبوية محل للولاء والبراء. إذ كل من جعل متبوعه محلا للولاء والبراء غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الافتراق والاختلاف ومن أهل التحزب. Les gens de la sunna et les salafis ont des caractéristiques particulières avec lesquels sera différencié, sera reconnu et différencié celui qui est affilié réellement à la voie salafi et le prétendant. Parmi ces caractéristiques particulières, pour eux, pour les salafs, l'alliance et le désaveu, pour eux, il se fait pour le suivi du messager, alayhi salatu wassalam. Pour Allah et pour le suivi du messager alayhi salatu wassalam. Dans cette voie, il n'y a aucune place pour la partialité. Aucune place pour la partialité, pour l'appartenance à un parti. Pour la partialité qui prend une personne, ou un principe, ou un livre, autre que le livre d'Allah et la sunna du messager alayhi salatu wassalam, comme base pour l'alliance et pour le désaveu. Et cela, et tout un chacun qui fait de son leader, en dehors du messager alayhi salatu wassalam, une base pour l'alliance et le désaveu, celui-là fait partie des gens de la division et de la divergence, et des gens qui sont dans des parties qui sont partiales. Hein? Et tu as qu'à voir maintenant dans cette fitna de la Sa'faqa, nous le prouve, cette fitna qui a déchiré les salafis à travers le monde. Hein? Pour les positions d'un seul homme qui a à tel point que tu rentres dans une maison, tu as le frère et son frère qui sont divisés. Hein? Je connais une famille dont le père, Moussafir. Deux filles sont avec les grands hommes de science. Une autre, Moussafir a comme son père. Hein? Imagine un petit peu la situation, la zizanie et la complication de la vie qui a fait exister cette fitna. Parce que c'est pas une mince fitna, c'est une fitna qui a éclaté de l'intérieur de la maison. D'où l'importance d'être éveillé et hein, de préserver sa religion, sa famille, ses enfants. Et obligatoire qu'il y ait la séparation. Comme tout à l'heure, on a vu les paroles d'Yel Salaf, on ne peut pas allier entre le vrai et le faux. C'est impossible. C'est impossible de réunir l'innovation et la sunna, la vérité et le faux. C'est impossible. Walhalo, كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع رحمه الله يقول فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة الكلام في الدين وغير ذلك كان من أهل البدع والضلال والتفرق انتهى كلامه رحمه الله تعالى وغفر له Médite maintenant ces paroles de Cheikh l'Islam, le Taymiyyah rahmatullah alayh, qui a vécu au 8e siècle, comme s'il vit avec nous, comme s'il est avec nous dans cette fitna. Regarde-le, regarde ce qu'il a dit. Et la situation, et comme a dit Cheikh l'Islam, le Taymiyyah rahmatullah alayh, dans le Mjmou'a, hein, il dit rahimahullah, celui qui voit qu'aimer telle personne et concorder avec telle personne en dehors du messager alayhi salatu wassalam, celui qui agit ainsi, hein, celui qui agit ainsi, qui voit que aimer telle personne et, hein, concorder avec telle personne dans ses opinions, cela fait partie de, que cette personne-là qui agit ainsi fait partie des gens de la sunna, et celui qui est en divergence avec cette personne, et qui dit à vous cette personne, ne fait pas partie des gens, hein, ne fait pas partie des gens de la sunna, celui qui agit ainsi fait partie des gens de la division et de l'innovation parce qu'il a basé son alliance et son désaveu sur les idées d'une personne. Hein? Si tu aimes cette personne, tu concordes avec, il te fait partie des gens de la sunna. Si tu es en désaccord et hein, tu désavoues cette personne, tu ne fais pas partie pour lui des gens de la sunna. Et ça, c'est la façon de faire des gens de l'innovation, comme l'a expliqué Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Il dit, comme il existe chez les groupes qui suivent les leaders de la scolastique, c'est-à-dire, ilmul kalam, hada, c'est une mélange de philosophie et de théologie chrétienne, qui suivent les leaders de la scolastique dans la religion et autres. Celui-là qui agit ainsi fait partie des gens de l'innovation et de l'égarement et de la division. Fin de citation de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Et regarde combien la soirée d'hier ressemble à celle d'aujourd'hui. Pour que on sache que les paroles des hommes de science et des imams de cette communauté ne sortent pas du vide. Ils trouvent leur force. Hein? Parce que leur origine, c'est la parole d'Allah. Et l'authentique de la sunna du prophète, alayhi wa sallam, est la voie sur laquelle étaient les pieux prédisseurs d'Allah, alayhim. Wa min simati ahli sunnati wal jama'a wa yis, simat taniya ba'da hadihi, ba'da al-wala'i wal-bara, al-ittiba'. Qala Abu Muhammad, Abdullah, ibn Abi Zayd al-Qayrawani, في سياقه للأمور التي أجمعت عليها الأمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة التسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه، وما عملوا به عملناه، وما تركوه تركناه، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا ونتبعهم فيما بينوا ونقتدي بهم فيما استنبطوا ورأوه في الحوادث، ولا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو في تأويله. وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث على ما بيناه، وكله قول مالك رحمه الله، انتهى من الجامع لأبي أبي زيد القرواني رحمه الله تعالى. Et parmi les caractéristiques particulières des gens de la Sunna et des Salafis, c'est la deuxième cité ici après l'alliance et le désaveu, c'est le suivi. Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zayd al-Qayrawani a dit, concernant les choses et les points sur lesquels il y a l'unanimité de la communauté en ce qui concerne la religion, il dit, fait partie de la Sunna avec laquelle on ne doit pas être en divergence, car être en divergence avec, c'est l'innovation et l'égarement. C'est-à-dire les choses sur lesquelles il y a l'unanimité, خلاص, ils font partie de la Sunna, on n'a pas à être en divergence avec, car être en divergence avec, c'est aller vers l'égarement. Il dit, la soumission à la Sunna, on doit se soumettre à la Sunna, on ne doit pas lui opposer l'opinion. On ne doit pas opposer l'opinion à la Sunna, ni repousser la Sunna avec l'analogie. Et ce que les pieux prédécesseurs ont interprété, on l'interprète. Ça ne veut pas dire qu'on ramène une autre interprétation. Abadan. Et ce qu'ils ont mis en application, on le met en application. Et ce qu'ils ont délaissé, on le délaisse. Et il faut qu'on s'abstienne des choses sur lesquelles ils se sont abstenus, et qu'on les suit sur les choses qu'ils ont clarifiées, et qu'on les suit dans ce qu'ils ont déduit des textes et dans les positions pour lesquelles ils ont opté concernant les événements. Et on ne doit pas sortir de leur unité concernant les points sur lesquels ils ont divergé ou interprété. Dire ça concerne ici quoi ? Les sujets dans lesquels il y a la place à l'effort d'interprétation. Hein? Et tout ce que nous avons cité, dit Abi Zayd al-Qarawani, ça c'est la parole des gens de la Sunna et de ceux qui sont unis sur la Sunna. Et c'est la parole des imams de la science et du hadith, comme nous l'avons clarifié. Et c'est la parole de l'imam Malik, rahimahullah. Et ici s'arrête la citation de Abi Zayd al-Qarawani, rahimahullah. Dans le Jami'. Jami', c'est un recueil qui est beaucoup plus grand que le Risala. Wa qala Abu Abdillah, Muhammad ibn Abdillah ibn Abi Zamanin, i'lam rahimakallah, anna as-sunnata dalil al-Qur'an, wa annaha la tudraku bil-qiyas, wa la tu'khadu bil-uqul, wa innama hiya fi al-ittiba'i lil-a'immati wa lima masha 'alayhi al-jumhur hadhihi al-umma, wa qad dhakara Allah aqwaman ahsana at-tana'a 'alayhim. قال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأمر عباده فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. انتهى من أصول السنة لابن أبي زمنين وهو من علماء المالكية. وهذا الكتاب حقق من طرف الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله تعالى وطبع طبعته الثانية للتحقيق. أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين dans son livre أصول السنة, et c'est un grand imam et un grand homme de science parmi les hommes de science de Malikiya. Ce grand imam dans ce livre Sunna, Usul Sunna, qui est un livre qui a été authentifié par Cheikh Abdallah al-Bukhari dans sa deuxième édition. Il y a eu une première édition il y a plus de 20 ans. Et là, il y a eu une deuxième édition qui est sortie l'année dernière. Abu Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, ibn Abi Zamanin, a dit dans son livre sur le sunna, sache qu'Allah te couvre de miséricorde, que la sunna c'est la preuve pour le Coran. Il ne se comprend pas, et la sunna ne se comprend pas avec l'analogie ou la raison. Mais ce n'est que le suivi, ce n'est que le suivi de la voix des imams. Allah a cité certains en leur faisant de grands et nobles compléments. Et il a cité le verset dans la traduction approximative du sens du verset, nous dit ceci. Annonce à mes soumis, ceux qui prêtent l'oreille à la parole puissent suivre ce qu'ils contiennent de meilleur. Ce sont ceux-là qu'Allah a guidés et ce sont eux les doués d'intelligence. Ils ont entendu quoi? La bonne parole, c'est quoi? La parole d'Allah, l'authentique de la sunna du prophète, alayhi wa sallam, selon la voie et la compréhension du prédécesseur d'Allah, alayhi, et ils la suivent, ils la mettent en application. وقال أبو المظفر السمعاني رحمه الله في كتابه الانتصار لأهل الحديث إنا أمرنا بالاتباع ونذبنا إليه ونهينا عن الابتداع وزجرنا عنه وشعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع محدث كل ما هو مبتدع محدث انتهى كلامه رحمه الله تعالى وغفر له إيه Abu Mudaffar Sam'ani rahimahullah, dans son livre l'Intisar, les Ahl al-Hadith, faire triompher les gens du Hadith, il a dit, il nous a été ordonné de suivre, et nous y avons été incités, invités, il nous a été interdit l'innovation, et nous avons été fortement avertis contre l'innovation. L'emblème des gens de la Sunna, c'est le fait de suivre les pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, et délaisser tout ce qui est nouveau, innové dans la religion. Fin de citation. Wa mimma dhakarahu ahlul ilm an ahlis sunnati wal jama'a wa anis salafiyin annahum la tanzima lahum wa la murshid wa la matbu' ghayra rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les choses que les hommes de science ont citées concernant les gens de la sunna et les salafis, c'est qu'ils n'ont pas d'organisation secrète, hein, ni de guide, ni d'un leader qu'ils suivent, à part le messager, alayhi salatu wassalam. Les hommes de science qu'ils suivent, ils les suivent dans le suivi du messager, alayhi salatu wassalam. Hein, ils les respectent, parce que c'est ce qu'a ordonné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne les devancent pas dans leurs paroles, mais le suivi, il est pour le messager, alayhi salatu wassalam. ف وهم تبع للعلماء المتبعين للكتاب والسنة وفق فهم صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلفيون suivent les hommes de science qui suivent le livre et la sunna selon la voie et la compréhension du pieux prédécesseur d'Allah. ليس لهم تنظيم سري ولا بيعة داخلية ولا لقاءات خفية. Ils ont pas d'organisation secrète ni d'allégeance à l'intérieur. Ils élisent pas un émir pour lui faire l'allégeance, comme ça se trouve dans les différentes parties qui existent, que ce soit, mettons, l'Adl wa l'Ihsan ici, les Ikhwan al-Muslimoun, Tablir. T'as l'émir du quartier. Et donc, dans une ville, il y a combien de quartiers? Multitude de plusieurs quartiers. Donc, sur l'émir du quartier, auquel les gens du quartier, lui doivent l'allégeance. C'est l'État dans l'État. Après, l'allégeance à celui de la ville, aad à celui de la région, aad à celui du pays. Regarde les allégeances qu'ils ont. Et ça, cette pyramide, il existe, c'est une pyramide qui a été créée par les frères musulmans, ainsi. Et dans toutes ces tendances qui se sont calquées sur la voie des frères musulmans, on la trouve. Comme on la trouve, c'est Tablir aussi. T'as les anciens, ce qu'ils appellent le Qudama et Talhbab. Il a les gens au grand chouyouk et ainsi de suite. Et tu dois pas, dans un quartier, dépasser le cheikh qui a l'émir qui a été désigné pour le quartier dans la tendance de Jamaat Tablighi, ainsi de suite. Et ceci, c'est une innovation de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un non-respect de l'autorité qui gouverne aussi. Parce que créer un État dans l'État, hein, ceci est complètement en divergence. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux pour la communauté et pour les gens. Voilà les cas atrafiés. Ils n'ont pas des rencontres secrètes. Dans les tendances d'Al-Ikhwan, il y a des rencontres qui se font à l'extérieur, entre eux. Tranquille, certains, pour comploter, pour décider, et ainsi de suite. ولا يخفون شيئا عن ولاة الأمر ولا عن عامة الناس. Hein? Ils ne cachent rien pour l'autorité, ni pour la masse musulmane, ni pour les gens du pays. Ils ne cachent rien du tout. Tout se fait en plein jour. Tout se déclare en public. Hein? ولا لديهم تنظيم هرمي. Ils n'ont pas d'organisation pyramidale dans laquelle tu as la tête et après tu descends, etc. Abadan. Et ceci, c'est, hein, c'est la façon de faire des groupes ésotériques. Et la façon des groupes, hein, de toutes les tendances du sionisme. Et on le retrouve dans la secte des frères musulmans et ainsi de suite. ولا خلايا. Voilà Ajniha, ils n'ont pas de cellules, comme les cellules qui existaient chez les frères musulmans, les cellules combattantes, hein, les cellules secrètes. Bal, Ahl al-Sunnah wal-Jama'a wal-Salafiyun ma'a ulati al-Amr wa umum al-Muslimin ala ma ja'a fi shar'i Allah ta'ala bin-nasihati zahiran wa batinan wa qudwatuhum fi dhalika ma kana alayhi as-sahabu al-kiram ridwanullah alayhim. Mais les gens de la sunna et les salafis agissent avec l'autorité et avec la masse musulmane selon ce qui est dicté dans la législation, en prodiguant le conseil selon les situations, selon ce qu'implique la situation et le problème auquel ils doivent remédier. Ils suivent donc tout ça quoi ? La voix des nobles compagnons d'Allah alim et de ceux qui les suivent à la perfection. قال ابن تيمية رحمه الله في المجموع كان أئمة المسلمين مثل مالك وحماد بن يزيد والثوري ونحوهم إنما تكلموا بما جاءت به الرسالة وفيه الهدى والشفاء فمن لم يكن له علم بطريق المسلمين يعتاض عنه بما عند هؤلاء وهذا سبب ظهور البدع في كل أمة وهو خفاء سنن المرسلين فيهم وبذلك يقع الهلاك ولهذا كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة قال مالك رحمه الله السنة مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك وهذا حق فإن سفينة نوح إنما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم وإن من لم يركبها فقد كذب المرسلين. ابن تيمية رحمه الله dans le Mjmou', il dit, les imams, c'est-à-dire les grands hommes de science, les imams des musulmans, tel Imam Malik, tel Hamad ibn Yazid, Tawri et leurs similaires, n'ont parlé qu'avec le contenu du message, c'est-à-dire avec le contenu de la révélation, et avec les paroles dans lesquelles il y a la guidée et le remède au problème. Celui qui n'a pas connaissance de la voix des musulmans, pour lui suffire contre eux, hein, ce qu'ont les innovateurs, car l'ignorance et le manque de connaissances sont la cause de l'apparition des innovations. L'ignorance et le manque de connaissances sont la cause de l'apparition des innovations dans toutes les communautés. Le fait qu'ils ignorent le message qui a été révélé, bah, cette ignorance les a fait induire dans les innovations et a fait d'eux qu'ils deviennent des innovateurs, qu'ils innovent, hein, parce que ils n'avaient pas la science du message. Il dit, cela cause la perte des communautés. Et c'est pour ça qu'il disait, c'est-à-dire les pieux prédisseurs d'Allah alayhim, se cramponner à la sunna, c'est le salut, c'est la porte pour être sauvé. Et Malik a dit, c'est toujours les paroles de Cheikh l'Islam, Malik a dit, la sunna, c'est comme l'arche de Nuh. Celui qui l'a montée a été sauvé. Et celui qui l'a ratée, il a péri. Ben la même chose. Il dit, rahimahullah. Et ça, c'est une vérité. L'arche de Nuh n'a été pris que par ceux qui ont cru aux les messagers et les ont suivis. Et celui qui ne l'a pas prise n'a pas pris comme véridique les messagers alayhim salatu wassalam. Yaqulu Cheikh l'Islam wa ittiba'u sunnah wa ittiba'u ar-risala allati ja'at min 'indillah. فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح السفينة باطنا وظاهرا والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح وركوب السفينة معه. Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, continue de dire dans ce passage, le fait de suivre la sunna, c'est suivre le message qui est venu d'Allah. Donc le suivi de la sunna, c'est le fait de monter dans l'arche de Nuh avec son cœur, c'est-à-dire avec son intérieur et dans son apparence. Et celui qui ne suit pas la sunna, c'est comme celui qui a raté de suivre Nuh alayhi salatu salam et qui a raté la montée dans l'arche. يقول رحمه الله وهكذا اذا تدبر المؤمن سائر مقالات الفلاسفه وغيرهم من الامم التي فيها ضلال وكفر وجد القران والسنه كاشفان لاحوالهم مبينان لحقهم مميزان بين حق ذلك وباطله. Il dit rahmatullah alayhi, les paroles sont Ibn Taymiyyah. Ainsi, si le croyant médite les différentes paroles des philosophes et autres parmi les communautés de l'égarement et de la mécréance, il trouvera que le Coran et la Sunna dévoilent leur situation et clarifient leur vérité. Le Coran et la Sunna sont là pour faire la séparation dans tout ça, du vrai et du faux, de tout ça, de toutes ces paroles et de ces positions, hein, de ces philosophes et de cette mécréance et de cet égarement. Celui qui médite le Coran et la Sunna, il trouvera, il aura un discernement pour discerner le vrai du faux. يقول رحمه الله والصحابة كانوا أعلم الخلق بذلك كما كانوا أقوم الخلق بجهاد الكفار والمنافقين كما قال عبد الله بن مسعود من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. إلى ذي رحمه الله تعالى إلي كمبانيو رضو الله عليهم إتي لي بلو سافون أن تو سلا زي سي parmi la créature qui avait le plus de science après les prophètes عليهم الصلاة والسلام. D'où l'obligation de le suivre. Comme ses compagnons étaient les plus forts et les plus droits à combattre les ennemis d'Allah, les hypocrites et les mécréants. Comme il a dit Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu wa arda, celui qui veut un modèle qu'il le prend dans les morts. Il parle à son époque des compagnons qui sont morts. Hein? Qu'il le prend dans les morts car le vivant n'est pas épargné de la fitna. Ces morts dont il parle, Abdullah ibn Mas'ud, ce ne sont que les nobles compagnons d'Allah alim. Il dit, rahimahullah, ces nobles compagnons étaient ancrés dans la science. Ils avaient beaucoup de science. Ils ne s'imposaient rien du tout. Ils ne se compliquaient pas, ils ne s'imposaient rien du tout. Hein? Ce sont des gens qu'Allah a choisis pour accomplir, pour accompagner son prophète et pour accomplir sa religion. Reconnaissez-leur leurs droits et cramponnez-vous à leur voix. Ils étaient sur la voie droite. Donc regarde ce conseil de ce noble compagnon et toi il nous oriente vers quoi? Vers la voie vers laquelle nous orientons tous les dignes de cette communauté parmi ceux qui suivent Salaf Ridwallah Alim à se cramponner à la voie sur laquelle étaient les nobles compagnons Ridwallah Alim parce que c'est eux qui connaissent au mieux la religion. C'est eux qui connaissaient l'interprétation de cette religion. C'est eux qui ont vu le prophète alayhi salam prier et c'est eux qui ont tout transmis comme il se doit. Hein? Cette religion, que ce soit au niveau des croyances, au niveau du comportement, au niveau de la pratique, des adorations et ainsi de suite. Ridwanullah alayhim. كذلك من سمات أهل السنة والجماعة أنهم ينتهجون الوسطية في جميع شؤونهم والوسطية من أهم معالم ديننا الحنيف قال عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال أهل العلم ووجه دلالة الآية عن الوسطية في هذه الآية أنه سبحانه وتعالى وصف الصراط المستقيم بأنه غير صراط المغضوب عليهم وهم أغلو الغلو والذين لا يعملون بالحق الذي معهم وكذلك غير صراط الضالين وهم أهل الغلو في العبادة والآخرين في التفريط وفي عدم العمل بالحق المغضوب عليهم وهؤلاء الضالين الغلو في الرهبانية وفي العبادة حتى خرجوا عن حدود الشرع ليس فقط في العبادة بل حتى في المعتقد فاعتقدوا في هذا أنه ابن الله في عيسى وكذا والصراط المستقيم يقتضي معنى الوسطية والخيرية التي بين طرفي الإفراط والتفريط أخرج الإمام أحمد وعلقه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله قال الحنيفية السمحة والحديث كما قال أهل العلم نص على أن الإسلام حنيفية سمحة والسماحة تتنافى مع الغلو والتشدد في الدين parmi les caractéristiques des gens de la sunna et des salafis, c'est qu'ils sont dans le juste milieu, dans toute leur situation. Le juste milieu est un des grands emblèmes de cette religion, est un des grands emblèmes de la religion, de l'islam. Il est dit dans le verset, guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, et nous ne voulons pas être sur la voie de ceux qui ont encore ta colère, ni sur la voie de ceux des égarés. Les hommes de science disent la preuve du juste milieu dans le verset, c'est qu'Allah a décrit la voie droite, que ce n'est pas la voie de ceux qui encourent la colère d'Allah, ceux qui connaissent la vérité et qui ne la mettent pas en application et qui sont dans une certaine forme de laxisme en négligeant la vérité. Et aussi, il est entre ces deux voies, la voie de ceux qui ont encore la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et des égarés. Ceux-là, ces égarés, ce sont ceux qui ont exagéré dans l'adoration. Et ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala avec ignorance, ils ont exagéré. Ils ont créé certaines formes d'adoration qui ne font pas partie de la religion d'Allah azza wa jal comme al-rahbana. Le fait de vivre dans les monastères et ainsi de suite. Hein? Et le juste milieu, il est entre les deux. Hein? Cette voie droite, qui est la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime agréer, il est entre ces deux extrêmes. Une extrême d'exagération, une extrême de laxisme. Hein? Et donc la voie droite, la voie que nous demandons dans notre prière, c'est la voie du juste milieu. Et c'est la meilleure des voies. Hein? L'imam Ahmed ainsi que le Bukhari ont rapporté le hadith d'Abdullah ibn Abbas qui a dit, il a été dit au messager d'Allah, c'est quoi la religion la plus aimée d'Allah? Il a dit, alayhi salat, il aurait dit, alayhi salatu salam, le monothéisme du juste milieu. Le monothéisme dans le juste milieu. Hein? Et la soumission à Allah, subhanahu wa ta'ala, dans un juste milieu. Et le hadith, comme on dit les hommes de science, stipule que l'islam, c'est la soumission totale à Allah dans le monothéisme qui est le juste milieu entre l'exagération et le laxisme. Wa من سمات أهل السنة كذلك أنهم أهل الائتلاف واتفاق وتبات واستقرار على الحق فأهل السنة يحرصون على الجماعة ونبذ الفرقة ولكن الجماعة التي يجتمعون عليها ما كان وقبل هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في المجموع عن أهل السنة والجماعة وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان انتهى كلامه رحمه الله. Et donc Cheikh l'Islam a dit, pour ce qui concerne le juste milieu, il a dit les gens de la sunna et ceux qui suivent les pieux prédécesseurs d'Allah alayhim qui sont unanimes sur la sunna, ils sont dans un juste milieu dont, concernant les différents sujets et les différentes situations. Car ils se cramponnent. Pourquoi? Parce qu'ils se cramponnent au livre d'Allah et à la sunna du messager alayhi sallam et à ce qui est du domaine de l'unanimité et le consensus du premier parmi le muhajiroun et l'ansar, et ceux qui les suivent à la perfection. Fin de citation de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Tu vois que tous les imams ne font revenir vers quoi? La voie de la première génération et de ceux qui les suivent à la perfection. C'est là le moyen pour être dans le juste milieu. C'est le moyen pour être dans le chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et c'est le moyen pour être dans une stabilité et dans une quiétude. Là où que tu sois. ومن سمات أهل السنة والجماعة أنهم أهل ائتلاف واتفاق وتبات واستقرار على الحق فأهل السنة والجماعة يحرصون على الجماعة ونبذ الفرقة ولكن الجماعة التي يجتمعون عليها ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام لأنه كما قال الإمام مالك رحمه الله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها والسبب في ائتلاف واتفاق أهل السنة والجماعة وتباتهم على الحق أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وفق فهم ومنهج صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان لهم الدين فأورثهم هذا الاتفاق والائتلاف وأهل البدع أخذوا الدين من المعقولات والآراء فأورثهم الافتراق والاختلاف. Et parmi les caractéristiques des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna, c'est que ce sont des gens qui sont stables et constants dans leur religion. Ils sont stables et constants dans la vérité et dans la sunna et sur leur religion. Et ce sont des gens qui sont en accord entre eux. Et ils ont une affinité entre eux. Les gens de la sunna préservent l'unité. Ils repoussent la division et détestent la division, mais leur unité est basée sur ce qui a été la voie, hein, sur la voie du messager alayhi salatu salam et ses nobles compagnons. Comme a dit l'imam Malik rahimahullah, la fin de cette communauté ne sera réformée en bien que par le biais de ceux qui a réformé son début. La cause de l'harmonie et de l'entente des gens de la sunna et leur constance sur la vérité, c'est qu'ils mettent en application le livre d'Allah et la sunna du prophète selon la voie et la compréhension du pieux prédisseur d'Allah alayhim et de ceux qui les suivent à la perfection. Et c'est ce qui leur a fait hériter cette constance et cette harmonie et cette infinité, hein, quant aux gens de l'innovation, contrairement aux gens de l'innovation qui ont pris leur religion et qui ont basé leur religion sur la raison, sur les opinions, ce qui leur a fait hériter la divergence et la division, parce que l'intelligence et la raison est différente d'une personne à une autre. C'est normal qu'ils tombent dans la divergence et dans les contradictions et dans la division. ومن سمات أهل السنة والجماعة أنهم يشتغلون بإقامة الدين بطلب العلم الشرعي وتطبيقه والعلم عندهم واتباع الآثار فهم يجمعون الآيات والأحاديث والآثار الواردة عن الصحابة ويتفقهون فيها ويتبعون كلام السلف ولا يحدثون من الأقاويل في فهم النصوص ما يخرجون به عن كلام الصحابة رسول عن كلام صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان أبدا. ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وأخرجه الخطيب في تقييد العلم ذكر لمالك كتابه الموطأ فقال رضي الله عنه ورحمه الله فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة والتابعين ورأيهم رأي من؟ ها؟ قول أقوال الصحابة والتابعين وقد تكلمت برأي على الاجتهاد أي في المسائل التي فيها محل للاجتهاد ويسوغ فيها الاجتهاد وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا بالمدينة ولم أخرج عن جملتهم إلى غيره انتهى كلامه رحمه الله. انظر إمام مالك مع جلالته وقدره في العلم مع ذلك بقي حصر آراءه وفهمه فيما كان عليه العلماء في بلده وفيما كان عليه الصحب الكرام فيما يخص المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الاجتهاد. وهذا هو الاتباع عند الإمام مالك وهي قمة الاتباع للسلف الصالح رضوان الله عليهم. Et parmi les caractéristiques des gens de la sunna et des salafis, c'est qu'ils s'occupent à accomplir la religion par le biais de l'apprentissage de la science légiférée et par le biais de sa mise en pratique. Et la science pour eux, ce ne sont que des preuves. Ils réunissent les preuves, les versets, les hadiths, les paroles, les positions des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, les compagnons. Ils s'attellent à les comprendre et à suivre ces paroles et ces positions de ces nobles compagnons et de leurs successeurs. Ils n'innovent pas. D'autres définitions concernant les textes. Ils ne sortent pas des paroles des compagnons et de leurs successeurs et de ceux qui les ont suivis à la perfection. Ils viennent pas avec une compréhension nouvelle ou avec des règles qui sont nouvelles et qui sont en divergence avec les règles et les fondements sur lesquels étaient les pieux prédécesseurs d'Allah alim. Abadan. Ibn Abd al-Barr rahimahullah rapporte dans Jami' Bayan al-Ilm, au Fadlih, al-Khatib aussi le rapporte dans Taqyid al-Ilm, il a dit, il médite ce passage de l'imam Malik et ses paroles de l'imam Malik, tout prouve le summum du respect de cet homme, de la sunna et de la voix des nobles compagnons d'Allah alayhim, et du suivi qu'il faisait de cette voix. On a cité à l'imam Malik rahimahullah son livre, le Muwatta, et il a dit, le Muwatta n'est composé que de hadiths du messager alayhi salam et de paroles et de positions des compagnons et de leurs successeurs. Et j'ai émis mon avis, c'est-à-dire il a émis son avis où? Dans les sujets dans lesquels il y a la place à l'effort d'interprétation pour les hommes de science qui sont dignes des efforts d'interprétation. Et il a dit, j'ai mis mon avis dans les sujets où il y a la place à l'effort d'interprétation selon ce que j'ai trouvé chez les gens de science dans mon pays, c'est-à-dire à Médine. hein, et je ne suis pas marginalisé par rapport à leurs paroles. Il a fait des efforts, mais il ne s'est pas marginalisé, hein, ou il a pris une autre voie ou une autre position qui est contraire à ceux qui l'ont précédé et aux hommes de science qui l'ont précédé à Médine. Abadan, il est resté dans la même lignée qu'eux, radiyallahu anhu wa arda. وفي ختام هذه الجلسة أذكر نفسي وإخواني بأمر مهم طالما ذكر به أهل العلم قديما وحديثا، وهو أنه من الواجب المحتم علينا لزوم السنة وتعلم الدين. فالسنة كما قال مالك رحمه الله مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وهذا أمر كما مر حق كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإن سفينة نوح إنما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم، ومن لم يركبها فقد كذب المرسلين، انتهى كلامه رحمه الله. وهذه وصية لأبي العالي الرياحي رحمه الله، ذكرها الآجري في الشريعة وابن وضاح في البدع وابن بطة في الإبانة. قال رحمه الله: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم، انتهى كلامه رحمه الله. وقبل هذا كله وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. قال ابن حبان رحمه الله في مقدمة صحيحه: إن لزوم سنته، أي لزوم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تمام السلامة وجماع الكرامة، لا تطفأ سرجها ولا تدحض حججها، من لزمها عصم ومن خالفها يذم، إذ هي الحصن الحصين والركن الركين الذي بان فضله ومتن حبله، من تمسك به ساد ومن رام خلافه باد، فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجل، والمغبوطون بين الأنام في العاجل. Et en conclusion, je me conseille à moi-même ainsi qu'à mes frères, et je me le rappelle à moi-même en premier et à mes frères, un point très important. Que ce soit les anciens hommes de science ou les contemporains, orientent et conseillent ce point important. C'est qu'il est obligatoire pour tout musulman de se cramponner à la sunna et d'apprendre ce qui va lui permettre d'accomplir sa religion convenablement. Il est obligatoire. Et tu as imité en cela le dua qu'il fait Rasoul sallallahu alayhi wa sallam après salat al-fajr. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Oh Allah, je te demande une science bénéfique et une substance, une bonne subsistance et des œuvres agréées et acceptées. Partant de là, de l'homme de science, ils disent que il faut que dans chaque journée, le musulman, il doit apprendre des choses de sa religion. Parce que nous avons 24 heures. Ces 24 heures, quand tu enlèves les 8 heures de sommeil, il te reste 16 heures. Dans ces 16 heures, il y a à chaque instant quelque chose que tu dois accomplir pour Allah. Donc ça fait partie des obligations individuelles pour tout un chacun, depuis que tu ouvres les yeux jusqu'à ce que tu te couches. Donc il est obligatoire de le maîtriser, hein, en maîtrisant auparavant tout ce qui concerne le monothéisme et la aqida, hein. Et donc il ne convient pas, il ne sied pas un musulman de perdre sa journée dans laquelle il n'a pas appris un verset ou un hadith du prophète alayhi salatu wasalam ou une sunna de son messager alayhi salatu wasalam. Nous devons nous atteler à ça, parce que c'est ce qui va nous permettre d'avancer. Plus on apprend et on met en application, plus Allah il nous augmente aussi la science. Parce que quand tu apprends, ben un hadith te renvoie, un sujet te renvoie vers un autre sujet. Ce qui fait que, et si tu le mets en application, et évident que ça va, que Allah subhanahu wa ta'ala il va t'augmenter conformément que ce que dit le verset. وَاتَّقُوا اللَّهَ Taqwa c'est quoi? C'est le fait de mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala avec preuve, en espérant la récompense min Allah. Et c'est aussi de s'abstenir ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit avec preuve, hein, en ayant peur du châtiment d'Allah. Donc tu mets en application ce que tu as appris, Allah il t'augmente, il t'augmente, il bénit ta science. Et comme dit l'adage arabe, ce n'est pas un hadith, wa man amila bima amil warathahu Allah ilma ma lam ya'lam. Et ça ce n'est pas un hadith. Celui qui met en application ce qu'il sait, ce qu'il a appris, Allah il lui donnera, il lui fera apprendre ce qu'il ne sait pas. Et ce n'est pas un hadith, ce n'est juste une parole et une hikmah, une sagesse arabe. Donc nous devons, c'est notre devoir, hein, d'apprendre la sunna de notre messager, d'apprendre, de nous cramponner à la sunna, d'apprendre la religion d'Allah, azzawajal, de nous donner, de prendre de notre temps pour apprendre la religion d'Allah et pour l'accomplir convenablement. Et la sunna, comme a dit l'imam Malik, c'est comme l'arche de Noé. Celui qui l'a monté a été sauvé et celui qui l'a raté a péri. Donc celui qui rate la sunna, qui l'accomplit pas, hein, le jour de la résurrection, il sera dans une grande perte. Parce que ce qui fait l'élévation et la réussite. Et ceci est une vérité, comme il a dit l'imam Malik, rahimahullah, dans ce qui a été cité auparavant, l'arche de Noé a été pris par ceux qui ont cru en les messagers, alayhim salatu wassalam, et qui les ont suivis. Et celui qui ne l'a pas prise, il n'a pas cru en les messagers, alayhim salatu wassalam. Hein? Et voici un conseil. Il y a un noble conseil, médite-le. D'Abu al-Ali al-Riyahi, ce conseil rapporté par Al-Ajurri, par Ibn Dahi, par Ibn Battah. Il a dit, rahimahullah, apprenez l'islam. Si vous l'avez appris, ne vous en détournez pas. Cramponnez-vous à la voie droite, car c'est l'islam. La voie droite, il l'a appelé comment? L'islam. Hein? Cramponnez-vous à la voie droite, à Salat al-Mustaqim, car c'est l'islam. Et ne penchez ni à droite. Quand vous êtes sur cette voie droite, ne regardez ni à droite ni à gauche. Regarde la gazelle. Dans le sprint, il n'y a pas mieux. Qu'est-ce qui fait tomber la gazelle et qui se fait avoir par un fauve? Le fait de tourner à droite et à gauche. À la même chose. Si tu prends la voie droite, reste sur cette voie. Ne fais pas attention à ces tendances. Il y a ces lignes qu'avait Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam avait tracé une ligne droite. Et il a mis sur, à chaque côté de ces lignes, des traits. Et il a dit que ces traits, ce sont des chemins d'Irshayatin. À la tête desquels il y a des prêcheurs qui appellent. Et celui qui leur répond, ils le font jeter. Hein? Dans l'égarement. Et donc, égarement égale le châtiment. Hein? Donc, quand tu es sur cette voie droite et tu y as la certitude, khlas, tu te comprends dessus, tu fais plus attention à ce qui est à droite et à ce qui est à gauche. Tu tiens à ta voie et tu t'y cramponnes. Donc il a dit, rahimahullah, et apprenez l'islam et si vous l'avez appris, ne vous en détournez pas. Cramponnez-vous à la voie droite car c'est l'islam et ne penchez ni à droite ni à gauche. Et cramponnez-vous à la sunna de votre prophète, alayhi salatu wassalam, et la voie sur laquelle étaient les compagnons. Regarde tous, n'importe quelle période, parmi tous ceux qu'on a cités, t'oriente la sunna et la voie sur laquelle étaient les compagnons. Parce qu'on ne peut pas être sur la sunna sans, en négligeant la voie sur laquelle étaient les nobles compagnons, radhiyallahu anhum. Et avant tout cela, les orientations et l'ordre du messager, alayhi salatu wassalam, dans le hadith de l'Irbad ibn Sariya, cramponnez-vous à ma voix et à la voix des khalifs, bien guidés après moi. Hein? Et Ibn Hibban, rahimahullah, dans la muqaddima, dans l'introduction de son sahih, il a dit, dans le fait de se cramponner à la sunna, il y a la paix et la sécurité et la quiétude. La paix et la sécurité et la quiétude complète dans le fait d'être, de se cramponner à la sunna. Et aussi, il y a l'union des honneurs. Tu vas avoir les honneurs de tous les côtés. Crampons-toi à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Les lumières de la sunna ne s'éteignent pas. Et c'est impossible de repousser l'épreuve de la sunna. Celui qui s'y cramponne sera préservé. Et celui qui diverge avec la sunna sera blâmé. Hein, ici s'arrête la citation de Ibn Hibban dans son authentique. Et on arrête là, inshallah. Wa barakallahu fikum, wa ahsallahu alaykum, wa sallallahu subhanahu wa ta'ala. J'ai oublié un passage dans les paroles de... Il dit, rahimahullah, car la sunna est la citadelle, des citadelles de protection, et la base solide dont les mérites sont apparents, sa corde est solide, celui qui s'y attache aura le dessus, et celui qui s'en détache sera rabaissé. Ceux qui sont attachés à la sunna, ce sont eux, les gens du bonheur dans le delà, et c'est eux qu'il faut envier dans ce bas monde. Rahimahullah ta'ala wa ghafara lah wa subhanakallahumma wa bihamdik shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa asalullah al-azim rabb al-arsh al-azim bi asma'i al-husna wa sifati al-ula an yaj'alna wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana innahu wali dhalika wal qadiru alayh salu subhanahu wa ta'ala an yaj'ala hadha fi mizani حسناتي كل من كان سببا في هذه اللقاءات وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الدولة العلوية وأن يحفظ هذه البلاد من كل سوء ومكروه وسائر بلاد المسلمين ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضاه وأن يكرمنا وإياكم بحسن الخاتمة وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والثبات على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحسن الله لكم بارك الله فيكم.